Chapitre 13. Du choix des personnages principaux. Du dénouement. Voyons maintenant, après les définitions que nous venons de donner, à quoi le poète doit tendre et ce qu'il doit éviter en composant sa fable, et comment il produira l'effet de la tragédie. Puisqu'une tragédie, pour avoir toute sa perfection possible, doit être implexe et non simple, et être l'imitation du terrible et du pitoyable, car c'est le propre de ce genre d'imitation, il s'ensuit d'abord qu'elle ne doit point présenter des personnages vertueux, qui, d'heureux, deviendraient malheureux. Car cela ne serait ni pitoyable, ni terrible, mais odieux. Ni des personnages méchants, qui de malheureux deviendraient heureux, car c'est ce qu'il y a de moins tragique. Cela n'a même rien de ce qui doit être dans une tragédie. Il n'y a ni pitié, ni terreur, ni exemple pour l'humanité. Ce ne sera pas non plus un homme très méchant qui, d'heureux, deviendrait malheureux. Il pourrait y avoir un exemple, mais il n'y aurait ni pitié ni terreur. L'une a pour objet l'innocent, l'autre, notre semblable qui souffre. Car la pitié naît du malheur non mérité, et la terreur, du malheur d'un être qui nous ressemble. Le malheur du méchant n'a donc rien de pitoyable, ni de terrible pour nous. Il reste le milieu à prendre. C'est que le personnage ne soit ni trop vertueux, ni trop juste, et qu'il tombe dans le malheur, non par un crime atroce ou une méchanceté noire, mais par quelque faute ou erreur humaine qui le précipite du faîte des grandeurs et de la prospérité comme Œdipe, Thieste et les autres personnages célèbres de familles semblables. Une fable bien composée sera donc simple plutôt que double, quoi qu'en disent quelques-uns. La catastrophe y sera du bonheur au malheur, et non du malheur au bonheur. Ce ne sera point par un crime, mais par quelque grande faute ou faiblesse d'un personnage tel que nous l'avons dit, ou même bon encore plus que mauvais. L'expérience donne la preuve de cette doctrine. Les premiers poètes mettaient sur la scène tous les sujets tels qu'ils se présentaient. Aujourd'hui, les belles tragédies sont prises dans un petit nombre de familles, comme celle d'Alcméon, d'Œdipe, d'Oreste, de Méléagre, de Thieste, de Téléphe, dans lesquelles il s'est passé ou fait des choses terribles. Telle doit être la composition de la fable d'une tragédie, selon les règles de l'art. C'est à tort qu'on blâme Euripide de ce que la plupart de ses pièces se terminent au malheur. Il est dans les principes. La preuve est que sur la scène, et dans la représentation, celles qui se terminent au malheur paraissent toujours, toutes choses égales par ailleurs, plus tragiques que les autres. Aussi, Euripide, quoiqu'il ne soit pas toujours heureux dans la conduite de ses pièces, est-il regardé comme le plus tragique des poètes. Je mets au second rang, quoique quelques-uns leur donnent le premier, les pièces qui ont une catastrophe double, comme l'Odyssée, où les bons et les méchants éprouvent un changement de fortune. Ceux qui leur donnent le premier rang n'ont égard qu'à la faiblesse des spectateurs, à laquelle les poètes ont la complaisance de se prêter quelquefois. La joie que cette espèce de dénouement produit appartient au comique, et non au tragique. Car dans le comique, les plus grands ennemis, fussent-ils Oreste et Égiste, deviennent amis au dénouement, et personne n'y donne la mort, ni ne la reçoit.